We'll be right back. ogives, mais moins de mégatonnes, c'est-à-dire que les têtes nucléaires américaines sont plus nombreuses, mais moins puissantes que les têtes nucléaires soviétiques. À ce chiffre, il faut encore ajouter les armes nucléaires tactiques qu'on appelle communément les euromissiles. Contrairement à une pensée populaire, des euromissiles, cela fait près de 30 ans qu'ils viennent en Europe. Et la plupart de ces missiles, dans les deux camps, sont aujourd'hui considérés comme terriblement déchirés parce que trop vulnérables. Quelque quelqu'un vous disait qu'il y a un niveau de couleur en dehors de l'esprit humain cartonné, le cerveau mi-cuit serait écarlate. Le flétillement de la viande et de la madame. Elle n'était pas plus libre vers le bas de la taille. C'est toi qui as mes yeux en lien avec Jackson. Ouais, que tu farces. Qui se détache sans cesse de toi, tu oses des cauchemars. La madame du hamburger. La madame du hamburger. La madame du hamburger. Diable, c'est qualité 93. Je sais pas pourquoi l'ordinateur sont juste d'un côté. Je sais pas pourquoi l'ordinateur sont juste d'un côté. Bizarrement. Maman, c'est toi? Maman, c'est toi? forme qui voit le monde sacré. Every day I